Dans la fumée du cannabis, ça va, ça vient, nous fait du bien. Je te fais l'amour comme un chien, mais quand j'ai fini, tu me cries bis. C'est mon esprit qui t'a séduit, mais lorsque tu l'as centimètre, tu exiges à des centimètres. Tu ne veux pas de modèle réduit, insatiable. Lola, insatiable. Lola, en bas de soi et falbala, en rire aigu et blablabla. Insatiable, Lola, insatiable. Lola, t'es pas jalouse, c'est bien connu. Mais dès qu'une autre femme approche, tu vois l'anguille sous la roche. Mes sentiments sont méconnus. Pour toi, je hante les gymnases. Je suis gonflé à l'EPO, mais tu descends à l'entrepôt avec soupçon si je suis naze. Insatiable, Lola, insatiable, Lola, en bas de soi et pas par là, en rire aigu et blablabla. Insatiable, Lola, insatiable, Lola. Je suis un tendre et un rêveur. Tu ne connais pas ton bonheur. Ce sont des cris, des apostrophes. Un jour il faudra que tu saches qu'à tes soupirs et tes caresses, je préfère un peu de tendresse. Fais gaffe ou bien je fais relâche. Insatiable, Lola, insatiable, Lola, en bas de soi et pas balade, en virigu et blablabla. Insatiable, Lola, insatiable, Lola.